vois, la patate, la moula. Lions, on rentre pas dans le moule. Ce que tu prends, il faut khalas. Wesh, tu crois on est où là? Dans un calage. T'aimerais en qui, mais t'as pas l'âge. Nomati, j'en mets t'as pas l'air. La ferragame, là, t'as pas l'œil. Derrière le sourire des galères. Mais bon, Merlis, je gère. J'arrive, j'ai la main verte. L'aveu, mais je fais l'inverse. Le cœur serré, mais je fais avec. Sur WhatsApp, par l'affaire. Là, pour Jean Harpa la fame. Là, pour Jean Harpa la fame. Veux, je la baise, mais la flemme. Dans la chape, passe comme flèche. On m'épaule si je flanche. Là, me tape, donc je flâne. Dans la chape, passe comme flèche. On m'épaule si je flanche. Là, me tape, donc je flâne. Là, me tape, donc je flâne. Bitches, la wave, pas encore chargé mon ki au max. Je sens sur la vague sous la planche, mais la wax. Je m'en bats les couilles, et je fais du son, je fais comme un mix. J'ai la dalle, je suis un mec. Attention si t'as rassé un mec. Nous on à jamais, quitte à me mettre le monde à dos. Tes promesses on en a connu, va la faire à d'autres. J'arrive vite comme Quadrado. Tous ceux qui brillent quand tu nous croises alors qu'on a rien de plus que toi s'il faut. Juste dans le fait, si tu le refais, c'est sûr on te fait et en face ils sont faux. Dans un périmètre réduit, je suis fluide comme Gorgeous, balle au pied. Non, lions ont toujours taf, jamais ne lève le pied. Mais Jizz, la wave, la vision, la malédiction. Terre jaune comme vision, mais Jizz, la wave. Après le dernier petit pot, faut payer la note sur tous les bénévoles. Tu veux mon karma pour passer pour la dose, je préfère revendre la dope. Ça veut tu parler dans le dos, allez venez en face, allez ramener vos fesses. Ici ça pète, ça pop, les phalas on écrasé, les putes on les baisse. Ouais sur ma vie ces bâtards sont pas prêts d'inhaler, la patate on ramène. Manger ma bite dans l'allée, avec le N y'a des maxillamènes. Bande de grosses putains, des projets sur terre j'en ai plus qu'un. C'est les thunes que les tintins. Les thunes que les tintins. Si tu te fais péter, j'espère que t'as assez pour la vogue. T'es ma mate, t'es sur Insta, j'ai pas terminé la notch. Pas le temps de mi-dor, encore moins, piner des moches. Pas le temps de mi-tonne, encore moins, fumer du bof. Non fare il maestro, mi sembri splinter. Il tuo ego nel mio grinder. Jolly lo trovi per strada, non servono pixel. Mandarino non il business. Nella bocca fanno i killer. Flex solo per il fitness. E parlano senza respect. Mischio la roba qui, ehi, guapo ralasci. Fumo lo megashi. Vogliamo gli Onzon Savavit. Odio chi parla, tu prendi una sberla. Io sono la benza, questa sa di benza. Sono partito alla base per un'assenza. Amo le storie, finisco bene. Sono cattivo, non quello che chiede. Non quello che parla, non quello che chiede. Sono sincero e quello si vede. Sono sincero e quello si vede. Sono sincero e quello si vede.